belle la magnamba, la magnamba, oui, Carole Pirate, la magnamba, belle année, hier, hier, la magnamba, la magnamba, hier, hier, la magnamba, tout est doux, hier, hier, la magnamba, la magnamba, hier, hier, la magnamba, tout est doux, et Carole Pirate, la magnamba, la magnamba, oui, Carole Pirate, la magnamba, belle année, et Carole Pirate, magnamba, la magnamba, oui, Carole Pirate, la sac din laino, le brambo di moulie, cobaye bien mien. Le brambo de l'ela, et non, sembo de marida, mais le brambo de l'ela, sembo de marida, le brambo de l'ela, sembo de marida, mais le brambo de l'ela, sembo de marida. L'ella d'origine, c'est un sac de l'aïe, l'aime bravo du monde, et qu'on va bien mieux. L'ella d'origine, c'est un sac de l'aïe, l'aime bravo du monde, et qu'on va bien mieux. Les bravos de l'ella, c'est pour le mari d'amener, les bravos de l'ella, c'est pour le mari d'amener, les bravos de l'ella, c'est pour le mari d'amener, les bravos de l'ella, c'est pour le mari d'amener, l'ella d'origine, c'est un sac de l'aïe, l'aime bravo du monde, et qu'on va bien mieux. L'ella d'origine, c'est un sac de l'aïe, l'aime bravo du monde. Mouille comme un bien bien, les bravos et les lacs, c'est pour le mari dans les bravos et les lacs, c'est pour le mari dans les bravos et les lacs, c'est pour le mari dans les bravos et les lacs, c'est pour le mari dans les lacs de l'insulsac, il l'a eu les bravos du mouille, on bien mieux, les bravos d'insulsac, il l'a eu les lacs de l'immouille comme un bien mieux.